le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de Pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Vedo tirare gli anni, le lori d'un suo fuoco. Paris, et Paris, vite au team. C'est Paris où je t'ai trouvé. Tui, tui, đẹp mãi đến nhìn sau. Cho tôi yêu mãi, không đau thương, không hận sâu. Xin giữ cho tôi xuyên ban đầu. Paris, xin giữ trong tay người. Tình yêu đôi lứa trong cuộc đời. Tình yêu hôm nay dù mai có cách xa nhau, tình yêu luôn mãi đẹp tươi màu. Belle vie, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour. Saint-Benoît, rue du Four, j'ai vu danser pendant.